À l'occasion du 99e anniversaire de naissance de Madame Kim Jong-soo, héroïne anti-japonaise, les permanents et les membres de l'Union des femmes de la capitale et des provinces ont visité le 24 décembre sa maison natale à Faelyong. Elles ont déposé corbeilles et bouquets de fleurs et se sont inclinées devant la statue de Madame Kim Jong-soo au pied de la colline Osan. Le même jour, elles ont visité l'école secondaire du second cycle Kim Gi-sung de Faelyong, l'usine de transformation alimentaire de Faelyong, l'usine de médicaments coriotes de Faelyong et autres, et des maisons d'habitation modernes dressées dans la région sinistrée de la ville de Faelyong.